vendredi 22 septembre. Bienvenue à CKRL, à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 heures. Et ce matin, le sujet, je pensais pas qu'il était que j'étais pour me faire prendre au jeu. Je m'explique. Habituellement, je fais les sujets et c'est assez... J'essaie d'être le plus détachée possible, tout ça. Et là, ça m'a touchée plus que je le pensais parce que en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que moi aussi, comme plusieurs autres personnes aussi, j'avais un problème avec ça. Le ça en question, c'est la diversité corporelle. La diversité chez les autres, j'ai aucun problème. C'est la mienne qui me travaille. Et puis, je me suis toujours dit que les régimes, les diètes, les autres méthodes d'amaigrissement, que je voulais rien savoir de ça. Puis ça, c'est vrai. Ça, j'ai rien touché à ça. Je ne veux rien savoir des régimes et diètes et compagnie. Par contre, quand j'ai repensé aux fois où est-ce que je me suis empêchée de faire quelque chose de la peur du jugement des autres, ça, c'est arrivé trop souvent à mon goût. Que ce soit, par exemple, d'aller à la piscine, de me faire prendre en photo, de porter une camisole, de peur que j'ai peut-être des trop gros bras. Il y a sûrement d'autres exemples qui m'échappent. Mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment peur du jugement des autres. Moi qui prône la diversité avec les différents, j'ai frappé un mur, comme on peut dire. Et puis, mes invités de ce matin sont ici aussi pour nous parler de la diversité corporelle, mais aussi de l'estime de soi qu'on définit souvent par un chiffre sur la balance aussi. Mes invités cette semaine, c'est Joëlle Vaillancourt, qui est blogueuse, rédactrice du blog, qui porte aussi son nom, conférencière et mannequin. Bonjour Joëlle. Bonjour, bon matin. Bon matin. Et j'ai Stéphane Prévost-Dallaire, qui est blogueur sur le blog aussi de Joëlle. Oui, bonjour. J'aimerais ça qu'on entre directement dans le sujet parce que la diversité corporelle, on en entend beaucoup parler depuis une certaine charte qui est apparue en 2009, si je ne me trompe pas, dans ces années-là, qui a été créée par Léa Clermont-Dion, qui a parlé justement de la diversité, d'en voir plus dans les médias pour promouvoir, encourager, pour aussi dissuader les comportements excessifs, tout ça. Mais pour vous, c'est la version politique de la diversité corporelle dans les médias. Pour vous, c'est quoi la diversité corporelle? C'est quoi, Joëlle? Bon, Stéphane m'envoie tout de suite la question. C'est quoi? Écoutez, moi, je pourrais parler pendant des heures sur ce sujet-là, mais je vais me restreindre ce matin. Pour moi, la diversité corporelle, en fait, ce n'est pas d'encadrer la beauté comme on peut voir dans les magazines. Souvent, on va encadrer la beauté en lui donnant un nom, un visage. Et par exemple, il y a quelques années, en fait, c'était très à la mode d'être très, très, très maigre dans les magazines et tout ça. Puis il fallait s'identifier à ce modèle-là pour pouvoir se considérer beau ou belle. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes plus en chair, des grosses fesses, pas de ventre, des gros seins, tout ça, l'espèce de modèle Kardashian qu'on doit ressembler. Et encore une fois, il faut ressembler à ce modèle-là pour être beau ou belle. Ouais. Pour moi, la beauté, c'est tout ce qui est entre ces deux-là aussi, tu sais. Fait que c'est ça, pour moi, la diversité corporelle, ce n'est pas donner un nom et un visage à la beauté. Oui. Pour toi, Stéphane? Moi, je crois que c'est la beauté de la différence. Dans le fond, il y a tellement de corps différents, c'est... Il faut arrêter d'avoir un modèle. C'est souvent une question d'attitude aussi. Moi, je pense que je connais beaucoup de personnes dans la vie. Oui, je connais beaucoup de personnes dans la vie. Il vient de le dire à la radio. Oui. Mais tout le monde est différent. C'est tout dépendant le regard qu'on a sur soi-même puis comment qu'on vit avec nous-mêmes. C'est ça qui va se dégager le plus dans une personne, selon moi. Fait que c'est très important. Puis souvent, même si la personne répond pas aux critères que la société veut nous ancrer, bien, si elle sent bien puis elle sent belle, c'est surtout ça qui va transparaître, selon moi. Est-ce qu'on sent que la charte qu'on a entendue, qui est de plus en plus appliquée, est-ce qu'on sent qu'elle est plus appliquée qu'avant? Dans les médias? J'ai l'impression. Souvent, maman, je pense que c'est une façade, dans le sens que c'est beau pour dire qu'on a signé la charte, parce que Jean Héroldi a signé la charte, Lou Benry ouais. a signé la charte et tout ça. Et moi, j'ai eu même des expériences en tant que mannequin taille plus où j'étais engagée pour faire le e-commerce, ça veut dire le magazine, l'espèce de site en ligne des vêtements, en fait. Mm-hmm. Et c'est par une entreprise qui avait justement signé cette charte-là. Et quand on signe cette charte-là, en fait, l'entreprise s'engage à prendre plusieurs modèles de femmes et de corps et aussi à ne pas modifier la silhouette de leur mannequin à la suite en post-production. Et j'ai pris les photos pour l'entreprise et quand les photos sont sorties en ligne, je me reconnaissais pas. J'avais l'air de porter du 12 ans avec une tête d'alien qui fitait pas trop sur mon corps. J'étais vraiment choquée. Donc, j'ai l'impression que c'est encore, c'est juste encore dans le paraître que c'est beau signer cette ouais. charte-là, mais dans les faits, il y a encore beaucoup de pratiques qui se font. Parce que il y a aussi, par exemple, on en a parlé en pré-entrevue, Joël, le clin d'œil qui est en 2015, mm-hmm. pour son numéro d'avril, avait sorti justement la couverture avec des femmes différentes, autant de culture, de couleur de peau, de grandeur, de grosseur, bon... Mm-hmm. On sent que le clin d'œil, est-ce qu'il s'est échappé? Ben, je veux pas te mettre dans l'eau chaude non plus, là, mais j'ai comme l'impression que ça a fait un bon numéro. On a gardé ça quelques mois et après ça, le clin d'œil est redevenu le bon vieux clin d'œil. Peut-être amélioré, peut-être moins touché, retouché au niveau des photos, mais je sais pas, on dirait que les magazines ont encore ouais. oublié ça. Puis les petites filles qui lisent ça, ben les ouais. petites filles, les adolescentes et les femmes aussi. Ouais. Mais je pense que j'ai la raison de dire là-dessus que c'est comme une façade un peu. Dans le fond, c'est plate à dire, mais je pense que ça a été comme un mouvement de mode. Tu sais, mm-hmm. ça a été le fun un moment pour cette fois-là, mais ça s'est estompé mm-hmm. après le clash. Puis après, ils sont comme revenus à leurs anciennes habitudes parce que finalement, c'est peut-être ça qui s'est mis à plus vendre. Au niveau, je connais pas beaucoup ce milieu-là, mais... Au niveau mouvement politique, en tout cas, ça, ouais. ça s'est accroché fort ouais. avec Christine Saint-Pierre qui encourageait les gens à signer la charte pour s'engager. Oui. Mais moi, j'ai deux choses à dire à propos de ce numéro clin d'œil-là. Je pense que c'est lui avec Justine Legault en cover. Justine Legault, qui est une mannequin taille plus québécoise, qui est magnifique, qui a une carrière à l'international. Puis, juste le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, qu'il y avait un numéro avec une femme taille plus mm-hmm. sur le clin d'œil, genre 5 ans plus tard, c'est pas normal. c'est pas ouais, normal c'est que ça ait fait un coup de mode, puis que on dit « Oh mon Dieu, il y a une femme taille plus, une femme avec des courbes sur un cover de magazine. Mm-hmm. Mon Dieu, c'est vraiment beau à voir. » Mais c'est juste normal. ouais, c'est juste normal. Ouais. Puis ensuite, le deuxième point que je veux dire, c'est que les 3-4 premières pages, on dit « Voilà, il faut être, voilà les belles, assumez-vous dans toutes vos courbes et tout ça. » Puis les 90 autres pages, on essaie de vous vendre le produit de beauté pour pouvoir ouais, avoir ouais. moins de rides, puis moins avoir être moins... apparaître plus mince dans vos vêtements. Fait que tu sais, il y a une espèce mm-hmm. d'hypocrisie ouais. là-dedans qui vient me chercher, je pense. Il y a ça un petit peu ouais. aussi dans le star system, là. Ouais. Tu sais, mettons les star system américains, il y a tout le temps Beyoncé ou... Ouais. plein de stars qui promuent la diversité corporelle puis qui dit « Soyez bien avec vous-même », mais tu sais, c'est les premières à répondre aux critères que la société veut puis uh-huh. tu sais, à être totalement parfaite. Puis à s'entraîner 1000 heures par jour. Puis mais... à rien manger. Ouais, c'est ça. Tu me fais penser, Stéphane, oui. on parle Beyoncé, Kim Kardashian et compagnie, mais uh-huh. au Québec aussi, la diversité corporelle n'est pas toujours acceptée. Dans le sens, on parle, par exemple, Safia Nolin, qui, ouais. il y a un an, faisait beaucoup parler d'elle au gala de la mm-hmm. disque, parce que de la façon qu'elle était habillée, oui, d'une façon. Ça reste que c'est une diversité corporelle. Oui. Ça fait partie aussi, là, la façon qu'on s'habille, c'est ça en fait un peu partie. C'est l'image, exactement. Puis encore aujourd'hui, on voit des posts avec elle... Et il y a des... admettons qu'on prend Facebook, il y a des petits bonhommes en colère, il y a du monde... Mm-hmm. Les commentaires, je passe par-dessus parce que ça vaut même pas la peine non, qu'on s'y attarde, qu'on leur donne mm-hmm. cette importance-là. Mais reste qu'il y a presque un an, c'était encore assez fait ramasser. Mm-hmm. Elle a fait un cover, je pense, de Urbania mm-hmm. pour ouais, revenir avec une belle robe, tout ça comme les gens la voulaient. Et là aussi, elle était critiquée pour son poids, pour son apparence, ses cheveux. c'est ridicule. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'on peut pas... C'est-tu plus blanc que blanc qu'on essaie? C'est plate à dire, mais si un gars aurait fait ça, ça aurait vraiment pas passé comme ça non plus. Moi, je me souviens de plusieurs années qu'il y avait un parent qui venait d'arriver dans le milieu. Là, il était pareil. Là, il était en chemise carottée, presque tachée, là, avec les cheveux, genre, tout détaché, genre, qui semblait... Il s'était pas peigné, puis le monde le trouvait sexy. Genre, là, Sophie Hennelin fait quasiment la même chose, puis c'est comme la fin du monde. Ouais. Non, ça mais passe pas. Je pense que ça vient en même... Les gens qui sont choqués par son apparence, c'est des gens qui sont confrontés à eux-mêmes. C'est des gens qui sont mal dans leur peau. Puis quand ils voient des gens comme ça qui peuvent s'épanouir puis réussir en étant ce qu'ils sont, ce qu'eux sont pas, tu sais... Ça vient justement les chercher puis tout ça. C'est, je sais pas si c'est une jalousie ou mais c'est sûr que c'est pas des gens qui sont bien avec eux-mêmes qui vont critiquer l'apparence de Sophie Hennelin, par exemple. C'est à se demander s'ils se critiquent pas eux-mêmes dans ce temps-là, mais ça, je veux pas tomber dans le psychopop. Parce que souvent, le star system, souvent, le star system va vendre du rêve un peu. Ouais. Peut-être que quand ils voient quelqu'un comme Sophie Hennelin qui est plus proche de la réalité, ça les ramène dans un monde qu'ils veulent pas voir à la télé. Mais parlons-en de l'estime de soi. Dans tes conférences, Joël, parce que tu te promènes avec ta conférence, tu en parles de l'estime de soi. Qu'est-ce que tu racontes à ce propos-là? Parce que toi, il a fallu que tu la construises. Oh mon Dieu, est-ce qu'on fait une autre émission? Chers auditeurs, je vous annonce qu'on fait une prochaine émission. La semaine prochaine, Joël revient avec l'estime de soi. Ah oui, OK. Pour moi, l'estime de soi, il y a plusieurs définitions de l'estime de soi, mais celle qui vient me chercher le plus, c'est l'image du soi désiré, la dichotomie entre l'image de soi désirée et l'image de soi actuelle. Donc, plus l'image de toi que... La personne que tu veux devenir est loin de la personne que tu es présentement, plus ton estime de toi va être faible, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu ça que j'ai travaillé toute ma vie, c'est que je voulais ressembler à justement les Beyoncé de ce monde. Tu voulais être quelqu'un d'autre. Ben oui, avoir, tu sais, je mesure 5 pieds 10, je porte du 18 ans, je veux dire... clairement que je suis née, je devais mesurer 5 pieds. C'est pas trop, là. Finalement, j'avais ma grandeur. Non, c'est ça. C'est ça. Puis je devais déjà porter du 5. Je veux dire, je ne peux pas physiquement ressembler à quelqu'un d'autre que ça. Puis ça a été le combat de toute ma vie, jusqu'à temps que, justement, je tombe dans les troubles alimentaires, puis dans les diètes, puis j'ai été loin juste pour pouvoir m'aimer un peu. Je me suis détestée beaucoup pour pouvoir m'aimer un peu. Ouais, ben, il a fallu que t'ailles jusqu'à une certaine limite pour après ça revenir pour faire « Attends, ça marche pas ». On en parle aussi des troubles alimentaires. Je sais que tu es à l'aise d'en parler parce que dans ta conférence, tu en parles aussi. Les troubles alimentaires, qu'est-ce que tu expliques à ce sujet-là? Souvent, à la télé, on voit les troubles alimentaires dans les émissions de façon très stéréotypée. Ça veut dire la fille anorexique qui mange une pomme à chaque semaine puis qui pèse 20 livres. Mm-hmm. Ou bien on voit dans une émission, là, les 500 livres et plus, là, la fille qui souffre d'hyperphagie puis qui mange 8 gâteaux à la seconde puis qui pèse 600 livres, qui n'est pas capable de mouvoir dans son lit. Donc, c'est difficile de... C'est des extrêmes. Ah oui, c'est vraiment. Des extrêmes. C'est vraiment d'être encore dans le show, exactement, d'être dans les médias chocs. Je ne vais pas non plus rentrer dans la psychopop, comme tu as dit, mais je pense que ça aide les gens à se conforter dans leur propre peau en voyant ça, en disant « Ah, moi, je ne suis pas si pire que ça. » Mais, d'autre part, je pense que les troubles alimentaires, c'est quelque chose de beaucoup moins stéréotypé que ça. Ressemble à quoi? Ben, comment je me suis rendue, je vais t'expliquer pour que les gens comprennent, c'est que je me suis tellement détestée, puis un jour, du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'ai dit « là, c'est assez, je veux être mince ». C'est comme ça, c'est juste ça que je me suis dit, et je me suis engagée à un entraîneur privé. J'ai aussi fait un régime protéinique qui s'appelait « Idéal protéines » où je mangeais... Je l'ai fait aussi. Ah mon Dieu! Je mangeais de la poudre, puis je pense que ça me faisait briller dans le noir. Mais je suis pas certaine. Mais c'est ça. Finalement, on était dans le vegan. Ah, un vegan, ouais. Ça aussi, on va en reparler du vegan. Ouais, puis j'avais le droit à au moins une petite poitrine de poulet pour souper. Ça, le aïe aïe, était assaisonné, par exemple, ma poitrine. Ouais. Tu devais prendre ton temps. Ça me fait tellement penser à l'image de Jean-Marc Parent qui parle de ces fameuses deux saucisses hot dog qu'il mangeait tranquillement, puis qu'il les a fait bouillir le plus longtemps possible pour qu'ils soient le plus grosses possible. Ben, c'est ça. Au début, oui, je prenais mon temps, mais à force de manquer... Tu sais, je m'entraînais, juste pour te donner une idée, je m'entraînais 7 fois par semaine, des fois 8. À travers ça, je faisais du hot yoga, que pour moi, c'était pas un entraînement, c'était juste de façon de relaxer. Et j'ai perdu, évidemment, beaucoup de poids, parce que si je mangeais pas ou je m'entraînais, c'est ça. Et ça autour de moi... Ben oui, c'est pas grave, ça, d'être fatigué, je voulais être mince. Puis autour de moi, les gens me félicitaient beaucoup, parce que c'est très valorisé, très valorisé quand tu perds du poids, puis les gens font « Wow, elle s'est pris en main! Mm-hmm. Félicitations, tu t'entraînes, tu manges bien. » En tout cas, tu manges bien. En apparence, tu manges bien. Ouais. Et je m'entraînais là-dedans, puis jusqu'au jour où, justement, ma poitrine de poulet, ben je la mangeais plus en 15 minutes, je la mangeais en une minute, tu sais. Ouais. Hey, parce que je mangeais... j'avais des rages. T'étais affamée, c'est ben, ça? Ben oui, j'avais des rages, puis là, j'ai commencé à séparer la nourriture en bonne et en mauvaise nourriture, comme la plupart des gens font, tu sais, tricher. Juste le mot tricher, ça veut dire qu'on a une mauvaise relation avec la nourriture, ça veut dire qu'on se permet des aliments que, pour nous, c'est pas une bonne connotation. Fait que là, je me suis mis à dire, OK, là, je me permets de tricher, fait que OK, ben je vais manger un biscuit, mais tant qu'à tricher, je vais en manger un deuxième, puis un troisième. Ça commence toujours comme ça. Ouais. Un biscuit, mais un biscuit devient une rangée facilement. Ben, ainsi que trois rangées, finalement. C'est ça. Puis là, finalement, tant qu'à tricher, ben je vais manger du McDo. Puis tant qu'à manger du McDo, puis là, ben ça me faisait... Je réalisais pas, mais je commençais à avoir un comportement très, très dangereux pour ma santé. Et jusqu'au jour où je me suis aperçue que ça filait plus pas en tout, là, j'avais une mauvaise relation avec la nourriture, une mauvaise relation avec moi-même, j'avais une très, très, très grande détresse derrière ça. Tout était calculé, tout était synonyme de culpabilité, et c'est là que j'ai décidé de consulter, puis c'est là qu'on m'a diagnostiqué un trouble alimentaire. Et je pesais pas 500 livres, puis j'étais capable encore de me mouvoir dans mon lit, mais je pesais pas non plus 20 livres, puis j'étais encore capable de manger. Fait que je suis rentrée dans ma tête, dans aucune catégorie des troubles alimentaires, mais finalement, je souffrais de troubles alimentaires. Et c'est ça, je pense que beaucoup de gens, ben plusieurs personnes qui en souffrent, que même, on m'écrit... Ils savent pas. Ben oui, puis on m'écrit sur ma page Facebook pour me dire qu'il y a une détresse derrière ça, puis qu'ils n'osent pas en parler, puis pour... C'est tellement valorisé de calculer ses calories, puis de s'entraîner, puis de vouloir focusser là-dessus, que les gens réalisent pas à quel point c'est des comportements qui sont nocifs pour la santé, puis qu'il y a un trouble derrière ça. Parce que, par le régime, souvent, les gens vont penser « je suis en maîtrise, je suis en contrôle » par la diète, le régime qu'on va suivre, qui n'est pas contrôlé par un diététiste, par exemple. Mm-hmm. C'est ça, c'est difficile de faire la différence entre tout contrôler ou se laisser aller. Mm-hmm. Le milieu entre les deux est souvent l'équilibre, en effet, c'est ça. C'est souvent ce qu'on cherche. Ouais. Soit qu'on va tout contrôler en mangeant des choses vraiment strictes, ou soit qu'on va exploser. Souvent, c'est ça qui arrive. On explose parce que c'est tellement strict qu'on n'est plus capable de l'endurer. Puis qu'on se met à se permettre des choses qu'on dit tricherie. Mm-hmm. Mais là, ça devient ridiculement trop. Fait qu'il faut... On souhaite tous trouver l'équilibre là-dedans, mais c'est comme très difficile quand on est dans un problème alimentaire. Ah oui, l'équilibre. Mm. L'équilibre, ça, parlons-en. Ouais, c'est ça. C'est pas juste alimentaire, l'équilibre. Je pense que c'est difficile. Mais l'équilibre, ben l'équilibre aussi, la confiance en l'estime de soi, la confiance en soi. Ouais. Puis d'être valorisé, comme tu disais, par ça a l'air à te marquer beaucoup, d'être valorisé par le régime, par les autres, parce qu'on a perdu du poids. Oui. Quand on en prend, on est gêné d'en prendre. Comment ça a été? Parce que là, t'es pas resté à ce poids-là, c'est sûr et certain. Non, tu serais pas, je pense que tu serais pas devant moi à me parler. Mais non. Non, mais avec le mode de vie que tu avais, je pense que tu te serais effacé. Mais non, j'avais un agenda de premier ministre, puis j'étais très stressée. Ben, je le suis encore aujourd'hui. Je consulte encore pour ça parce que tu n'en guéris jamais vraiment de troubles alimentaires. Mm-hmm. Mais j'avais un agenda de premier ministre, puis c'était vraiment difficile. Mais juste pour revenir aux troubles alimentaires, parce que j'ai pas dit c'est de quoi je souffrais, puis je veux que les gens m'y comprennent bien. On m'a diagnostiqué l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, c'est pas l'anorexie ou dans le cas d'anorexie où tu t'empêches de manger. La boulimie où tu as souvent des compulsions alimentaires et par la suite des comportements compensatoires comme aller courir 10 000 km ou prendre des laxatifs et se faire vomir. Mm-hmm. Dans le cas d'hyperphagie boulimique, j'avais des crises alimentaires, tu sais, manger une rangée de biscuits, puis du McDo, puis tout ça, mais j'avais pas de comportement compensatoire à la suite. Donc, qu'est-ce Donc, que ça fait? Donc, il n'y avait pas de vomissement, il n'y avait pas de pilule pour laxative, pour la salle de bain, rien. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est-tu ce qu'on appelle manger nos émotions? Il y en a qui vont dire, moi, ça me tente de manger mes émotions en soir, puis qui se pognent la boîte de biscuits, qui passent au travers. C'est-tu ça? C'est sûr que c'est relié, c'est relié aux émotions, mais c'est aussi le sentiment de détresse derrière ça. C'est aussi diagnostiqué dans le temps parce que c'est diagnostiqué parce qu'il y a des grandes périodes de restriction suivies de grandes périodes de relâchement. Fait que, tu sais, c'est comme très, très complexe, un trouble alimentaire. C'est pas juste manger ses émotions, mais c'est le sentiment de détresse. C'est dans le temps aussi, ton comportement avec la nourriture et tout ça. Mais déjà, si t'arrives puis tu dis, moi, ce soir, là, je mange mes émotions, ça peut quand même sonner une cloche pour aller consulter un médecin pour y en parler de ça, puis de pas avoir peur d'en parler aussi, je pense. En effet. On peut aussi un peu l'accepter, je pense. Je pense que tout le monde fait un peu ça, manger ses émotions une fois de temps en temps. Faut juste pas que ça devienne une fois par jour. Une fois par jour, non. Je pense que, mettons, on a toute une mauvaise journée une fois de temps en temps, puis on va comme se récompenser avec de la crème glacée, par exemple. Ce qui n'est pas mal en soi. Mais tu sais, si ça devient comme ça à chaque jour de ta vie, que tu as besoin de combler un vide avec la nourriture, là, ça devient un problème, selon moi. Je pense aussi, puis puis le sentiment de détresse qu'il y a derrière aussi, c'est très important de le noter. Puisque ça fait, en fait, l'hyperphagie boulimique, c'est ce qu'on voit à la télé, là, les personnes qui sont très, très obèses, tout ça souffrent d'hyperphagie boulimique. C'est, tu reprends, j'ai repris tout mon poids et même plus. Parce que j'avais... C'est ce qui arrive après des régimes comme ça. C'est tellement facile de reprendre son poids parce que le système régimes, physique yo-yo. Devient super... Le métabolisme, oui. Ouais, le métabolisme, il est comme... Il est en état de survie. En urgence, survie, exactement. Fait que dès qu'il trouve de la nourriture, il va l'encaisser. Il va la transformer en graisse souvent, parce que c'est ça, il est en survie. Fait qu'on reprend souvent tout le poids. Puis, Oui, c'est clair. Et c'est là que là, ça devient un cercle vicieux. Oui. Et là, ben tranquillement, on refait un autre régime parce que celui-là va être encore meilleur. Fait que j'imagine, à un moment donné, le rapport à notre corps, le rapport avec la nourriture, là, ça vient tout débalancer. Là. Physiquement aussi, c'est pas bon de faire ça. Là. Il peut y avoir des séquelles physiques. Puis, tu sais, on se met à prendre du poids vraiment facilement ou perdre du poids vraiment facilement aussi. Mais, tu sais, c'est vraiment... Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Oui, moi aussi. Dans le fond, quand que j'étais adolescent, moi, j'étais obèse. Là. Je pesais plus 130 livres de plus qu'aujourd'hui, si on veut. Et mon Dieu, OK. Oui, mais je peux confirmer pour les gens qui t'ont pas vu, t'es pas le gars, là, très gros, là. T'es mais correct. Moi aussi, je pense que t'es dans ton poids santé aussi, ouais, là. Oui, ça t'es va. Parfait. Merci. C'est bien valorisant venir ici. Ouais. Mais moi aussi, j'ai été un peu dans toutes les histoires de yo-yo, de régime et d'entraînement, de surentraînement. Puis quand Joël a parlé du fait que tout le monde valorisait ça, que, tu sais, quand on se met à maigrir, les gens te trouvent incroyable, tu sais, c'est ça. Puis là, souvent, quand on retombe puis qu'on commence à prendre du poids, là, on devient dans une bulle qu'on a peur de décevoir les gens. Les gens te le diront pas, là, que t'as pris du poids. Il a pas tenu son mandat. C'est ça. C'est comme la déception de l'année. Là. Dans ta tête, à toi, là, on dirait que le monde va te cracher dessus. Parce que, genre, t'as pas réussi, t'as échoué. Le party de Noël, là, tout le monde va te regarder et puis t'es là. Non, mais c'est ça. Souvent, dans ce genre de situation-là, on a un objectif, comme tu viens de dire, un party de Noël, que, genre, t'as comme un... Je sais pas. Souvent, moi, j'avais des morceaux de vêtements dans mon garde-robe qui ne me faisaient vraiment pas. Mais j'espérais tant qu'ils me fassent un jour. Puis je me disais, au party de Noël, cette année, ils vont me faire. Puis là, tout le monde va me trouver incroyable. Mais c'est ridiculement. Mais c'est tu me fais tellement penser que c'est exactement ce que j'ai. J'ai repris du poids. Puis, parce que je suis tombée malade à un moment donné. On bouge moins. On prend du poids. Et... mes vêtements, par exemple, ce que j'ai fait, je sais qu'ils me font plus. À un moment donné, j'ai tout soigné, j'ai tout donné ça aux œuvres. Puis j'ai vraiment été donné ces vêtements-là. Mais il y a un pantalon que j'ai retrouvé, mais il est dans le fin fond. Je l'avais complètement oublié, mais je me dis, pourquoi qu'on se torture à garder ces vêtements-là? C'est satané pantalon. Non, mais il est dans le fond, mais je le porte pas. Puis je le sais qu'il me fera pas demain matin. Puis peut-être qu'il me fera plus jamais. Peut-être que ça me tentera même plus de le reporter parce qu'il sera juste plus à la mode ou à mon goût. Tu sais, c'est, c'est pas parce que j'aurais grandi, là. On oublie ce défi-là. Mais parlons-en de la grandeur aussi. En fait, grandeur, quand on est une fille, tu mesures quoi, 5 et 10, Joëlle? Oui. Ça aussi, c'est une diversité corporelle. Moi, à 5 et 2, toi, à 5 et 10, on s'entend qu'il y a quand même une petite différence entre nous. C'est moi qui vais chercher la boîte de biscuits dans l'armoire. Oui, c'est toi que j'appelle pour aller me chercher ce qu'il y a dans les armoires en haut. Ça m'évite un petit banc. Par contre, ben c'est ça, mais on se fait... Moi, je me fais un peu moins remarquer de par ma grandeur. Moi, je mets un talon haut, puis bon, je peux avoir l'air un petit peu plus grande. Mais bon, on le voit aujourd'hui, je suis en talon plat. Toi, de ton côté, ça aussi, ça doit faire tourner des têtes. Ben oui, puis en plus, tu sais, je veux dire, j'ai une personnalité flamboyante, tout ça, je veux dire, on peut pas savoir que je suis là. Là, c'est comme... tu rentres dans une pièce, t'es là. Non, c'est ça, je suis là. Mais ça a été long à l'accepter, parce que quand j'étais jeune, au primaire, tout ça, je me rappelle, j'ai beaucoup subi d'intimidation parce que j'étais gênée, j'étais la plus grande de ma classe. C'était l'enfer. Puis ça a été difficile à accepter pour moi parce que j'ai grandi super vite, puis jusqu'à, je pense, au cégep, j'étais la plus grande de l'école, ou même la plus grande de tous les gars, puis ça a été difficile de plaire, justement, à cause de ça, tu sais. Je rentrais dans aucun standard, puis j'étais pas la petite fille cute, là, la petite blonde avec les couettes dans le fond de la récré, non, j'étais comme la fille qui était prête à se battre, la shape de la fille qui était prête à se battre, ouais, tu sais, que t'es cœur, ben, que physiquement t'écœures pas, fait que, tu sais, ça a été vraiment difficile à accepter, à cause de... À cet âge-là, tu veux tellement être comme tout le monde. Ah, ben être comme tout le monde est différent. C'est ça qui est drôle. C'est ça. Genre, être comme tout le monde, mais le plus beau. Ouais, c'est ça. Avoir le petit plus. Ben, puis aujourd'hui, ben, j'en suis fière de ma grandeur. Puis je porte des talons-hauts. Puis oui, quand je porte des talons-hauts, ben, je mesure 6 pieds 2. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que je suis mannequin aujourd'hui. Puis c'est pour ça que j'ai posé pour Véro. Puis les autres, ben. ça fait du bien, tu sais. Mais tu m'ouvres la porte, justement, aux petites de 5 et 2. Ouais. Qu'eux autres, ils aimeraient ça, être grande, mais ça se fait pas. Ça se fait tellement pas. Ah non, on peut pas. Ça aussi, ça serait bien de promouvoir. Je lance ça de même, là. Je suis une petite. J'aimerais ça faire des photos pour les petites, pourquoi pas. Puis j'encourage les filles en même temps. Écrivez aux magazines, écrivez aux agences, dire... America's non, Next Top Model l'a déjà fait un peu, mais on s'entend, là, c'est le milieu des mannequins. Fait que pour eux, les petites, c'était 5 et 6, là. C'était pas 5 et 2. mais souvent, dans les photoshoots, c'est, la grandeur est moins importante, mais c'est vraiment plus pour les défilés que là, ça passe. C'est 5 et 9, une fille, ou 5 et 8, le minimum. Mais les photoshoots, c'est moins pire. Ouais. Essaie-toi. Ouais, c'est ça. On verra. On va prendre une pause, puis au retour, j'aimerais ça qu'on parle. On vient d'aborder un peu l'estime de soi, tout ça, la diversité, la différence au niveau du corps, de l'apparence. Mais il y a une pression aussi à vivre pleinement, à s'assumer qui est-ce qu'on est, comme on est, à la grandeur, avec l'apparence qu'on a, avec peu importe, les cheveux longs, les cheveux courts, les filles, les cheveux courts. Moi, je sais, j'ai pas les cheveux très longs. Je me suis demandé à un moment donné quelle était mon orientation sexuelle. Petite avec les cheveux courts, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça me raccourcit. Mais tu sais, c'est toute cette pression sociale-là. À un moment donné, je suis retournée chez nous. J'ai fait, ben voyons, pourquoi qu'on me juge comme ça? Parce que j'ai les cheveux courts, on a un stéréotype. Puis on s'entend que je suis assez ouverte aux gens, à la diversité de tous les genres. Les différents, ça s'appellerait pas les différents si j'avais pas cette ouverture d'esprit-là. Mais je me dis, pourquoi les gens... C'était plus ça. Pourquoi les gens ont ce stéréotype-là? Une fille aux cheveux courts, ben elle est lesbienne. Je le dis, c'est exactement ça qu'on m'a demandé. Fou, hein? Que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, qui est-ce que t'es pour me le dire? Parce que j'aurais, admettons, 50 livres de plus, ben c'est sûr qu'elle se bourre la face au McDo. Que, tu sais, ou que je sois fait filiforme, un exemple, ben c'est sûr, elle mange pas. Alors que c'est peut-être l'organisme, il est fait de même. Fait que c'est toute cette pression sociale-là, les réseaux sociaux qui embarquent aussi par-dessus. Bon, fait qu'on va en parler au retour de la pause, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, ça vous va? Mais oui, c'est sûr. À tout de suite. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h sur les ondes de CKRL au 89.1. J'ai avec moi Joëlle Vaillancourt, qui est... Je vais répéter tes titres. Tu es... J'aime ça. Non, mais je trouve que c'est... T'en fais des choses, c'est fou. Ah, puis oui. En plus de ce que j'ai pas trouvé sur toi, tu fais... Tu sais, t'es blogueuse, rédactrice du blog joëllevaillancourt.com, conférencière, t'es mannequin et... Ben, on peut dire mannequin taille plus. Ben, t'aimes mieux qu'on dise mannequin tout court. Moi, ça me dérange pas, ben, en fait, enlever le terme taille plus, je pense que ça enlèverait le débat qu'il y a derrière. Puis j'aime ça être taille plus, c'est tout. Bon. T'es mannequin taille plus. T'es mannequin et mannequin taille plus. Ouais, bon, elle est aussi coach de vie. Coach de vie, oui. Depuis ce matin, en soi. Puis j'ai Stéphane aussi, Stéphane Prévost-Dallaire, qui est blogueur sur le site de Joël, entre autres, et que tu fais plusieurs choses aussi en dehors. Oui. oui. On parle de diversité corporelle ce matin et on parlait avant la pause de la. Je voulais aborder la pression sociale. On a parlé de l'estime de soi, les régimes, comment c'est valorisé, être mince ou perdre du poids, tout ça encore. Je vois des publicités qui parlent de wow, t'es bien belle, t'es rendue belle, t'es mince. Bon, c'est vraiment des stéréotypes qui restent ancrés encore en société. Mais il y a une pression sociale, il y a les réseaux sociaux qui sont à rajouter à ça. Qu'est-ce que vous en pensez des réseaux sociaux? Est-ce que vous sentez la pression d'être parfait physiquement? Terrible. C'est pas drôle, mais c'est vrai. C'est sûr, il y a une très grande pression, en effet. Pour ma part, si je parle pour moi, j'ai appris à mettre un décalage avec ça. Il y a aussi que ça m'a pas pris une journée, on s'entend. Puis en vieillissant, ça, j'ai appris à me détacher de ça. Si je me dis que si j'aurais 20 ans aujourd'hui, 18-20 ans, là, je serais vraiment dans une grande pression. Vu que maintenant, je suis dans la trentaine, j'ai un certain décalage. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de surface. C'est beaucoup d'images parfaites qu'on laisse transparaître. Puis c'est des gens qui laissent transparaître que leur vie est parfaite aussi. Puis les gens cherchent souvent à ressembler à ces personnes-là. Ouais. Puis ils vont comme un petit peu Mais est-ce que t'as pas peur, là tu dis, t'as appris à te détacher de ça, est-ce que t'as pas peur à un moment donné de retomber au piège, de trouver quelqu'un sur Instagram, sur Facebook, peu importe, le réseau social, et de faire « Hey, moi j'aime cette personne-là » et d'essayer d'imiter cette personne-là à un moment donné, est-ce que t'as pas peur de retomber dans le pattern de l'admiration qui fait que tu vas te poser des questions sur toi? Où t'es vraiment passé? Où est-ce que je suis rendue maintenant? Je pense que je serais plus dans l'inspiration. Je vais regarder la personne, puis je vais regarder qu'est-ce que j'aime d'elle, puis qu'est-ce que je pourrais en ressortir. Mm-hmm. Parce que, tu sais, moi, je crois beaucoup à l'authenticité des personnes. Tu sais, je sais que je suis une personne différente de toutes les autres maintenant. Puis, j'essaierai pas de copier quelqu'un. Mais tu sais, s'il y a quelque chose que je trouve bien de cette personne-là, puis que je me dis, ah, j'aimerais ça être comme ça, ben, tu sais, je vais aussi regarder si ça serait bon pour moi, premièrement, on s'entend. Quand on a vécu des problèmes un peu d'estime de soi, c'est ça que je fais, moi, maintenant, surtout. Là, je prends tout le temps un recul pour penser à comment je me sens, puis pourquoi je pense ça, puis tout. Puis je me dis, oui, ça serait bon pour moi de m'inspirer de cette personne-là pour telle et telle raison. Ben, je vais le faire. Puis, tu sais... Tu prends ce qui te convient. C'est ça, exactement. Tu sais, on s'entend que c'est un réseau social, là, c'est un média, là, c'est ludique, puis tout, là, c'est pas là pour... C'est pas ça tu le dis, c'est ludique, oui, c'est ça. Mais il y a un autre côté aussi de la médaille que les plus jeunes, et même les plus vieux aussi. C'est, on dirait qu'ils s'en rendent compte. On l'entend souvent, surtout des gens de notre âge. On n'aurait jamais voulu vivre l'adolescence aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux. Ça doit être quelque chose que très difficile à vivre. Moi, la première, Je peux-tu avouer quelque chose ce matin? Je déteste Instagram. Je déteste Instagram. Je suis sur Instagram. Avant de te connaître, je te suivais. Ah ouais? Ben oui. Mon Dieu, tu fais partie de mes 700 followers. Merci beaucoup. Mais écoute... je savais même pas que tu étais à Québec en plus. Ah ouais, j'ai l'air si jet set. Non, mais écoute, j'haïs vraiment Instagram. Genre, je mets une photo une fois par mille ans parce que, tu sais, dans mon domaine, il faut que, tu sais, je montre un peu que j'existe sur les médias sociaux parce que si je ne suis pas sur mes réseaux sociaux, paraît-il que je n'existe pas. Mais bon, je pense qu'il y a une pression. Puis, tu sais, Stéphane, ce qu'il disait, je suis d'accord avec lui parce que nous, on est rendu, tu sais, on se connaît, on est rendu un peu plus mature, on est capable de prendre, d'avoir ça un certain discernement, on est capable d'assumer notre personnalité. Mais j'ai fait des conférences dans les écoles sur l'estime de soi. Puis j'ai rencontré des jeunes, j'ai parlé avec des jeunes beaucoup sur les médias, à propos des médias sociaux. Puis il y a un média social qui me troublait carrément, qui s'appelle Ask. Puis ça, Ask, je connaissais pas ça, mais il paraît que c'est bien populaire. Je suis rendue trop vieille pour savoir ça, par exemple. Mais c'est genre, t'as comme un profil Facebook ou puis un profil quelconque, puis les gens peuvent te poser des questions de façon anonyme, de façon publique. Fait que, par exemple, tu pourrais avoir sur ton mur, « Hey, t'es-tu gay? » Ou, tu sais, des affaires genre... Ouais, ça laisse place à beaucoup d'intimidation. Vraiment. J'imagine, surtout que c'est anonyme. Oui. Oui, ah, mon Dieu. Mais c'est anonyme, ventable. Puis c'est public. Ouais. Fait que les gens, tu sais, si tu veux, si mettons que t'es quelqu'un qui veut faire du mal à l'autre, là, ouais, tu sais, le monde ne saura pas que c'est toi, puis en plus, tout le monde va le voir. Ben c'est oui. C'est vraiment horrifiant. Ben oui. Puis les filles vont tout le temps dire, tu sais, vont, par exemple, là, je reviens à Instagram, là, là, à Instagram, les filles vont, les jeunes filles, non, moi, ils me disaient tout le temps, je m'identifie pas à ça, je le sais que c'est fake, oh là là là. Mais par en arrière, elles vont dire « Ah, oh, je m'entraîne parce que je veux des grosses fesses, tu sais. Ouais. » Fait que... Hey, c'était pas ce qu'on entendait avant, ça? Non, c'est ça. « Je m'entraîne pour des grosses fesses. » Ben oui, parce que c'est à moi, là. C'est à moi, des grosses fesses. Fait que là, elles vont dire qu'elles veulent pas ressembler à Kim Kardashian, qu'elles savent que c'est faux, mais par en arrière, elles vont dire « Je veux des grosses fesses parce que je le veux pour moi. » Puis essaye des tutoriels de contouring. Ben de... ouais, c'est ça. Ouais. Je le veux pour moi, ça là, je le veux pour moi, c'est pas toi qui le veux, c'est un message qui s'est tellement ancré profond dans ton subconscient que t'en viens à penser que tu le veux pour toi, mais c'est pas vrai. Tu veux suivre la mode, là. On va se le dire. Ouais. Mais t'essayes de te convaincre, j'imagine. Mm-hmm. J'imagine que ces jeunes filles-là puis ces jeunes garçons-là essaient de se convaincre de « c'est moi qui l'ai décidé », mais au final... Je pense qu'ils s'en sont même pas conscients. Ben, le marketing est fait aussi pour ça. Ouais, en effet. Est fait, ben, on y vendra pas ça de même, on y mettra pas dans la gorge, mais on va le faire penser que c'est eux-mêmes qui... Mm-hmm. On va faire penser aux gens que c'est eux-mêmes qui ont décidé, qui ont fait ce choix-là. Ah, c'est épouvantable. Là-dessus, les parents ont vraiment une grande responsabilité, selon moi, là, de leur faire comprendre ça, que des images comme ça, puis des idées comme ça, il faut faire attention, puis que... Mais c'est dur en tant que parent, parce qu'en tant que parent, c'était tellement une goutte dans l'océan quand ton enfant est dans ce monde-là. Ouais. Tu veux donner ça à ton enfant, mais lui, il y a les comparatifs à l'école, il y a une très, très grande pression de devoir être beau, il est entouré de modèles de beauté qui sont inaccessibles, puis toi, là, ton message, moi, en tout cas, quand ma mère me disait que j'étais belle quand j'étais jeune, je me disais, t'es ma mère, c'est ta job de me trouver belle. Fait que, tu sais, je la croyais pas, même si elle me dit, ben non, je suis objective. Ma mère, tu sais. Je suis objective. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tellement difficile là, quand t'es ado, quand t'es parent, de donner ça à ton enfant. Ouais. Ou même quand t'es ado, tes parents n'ont pas raison. C'est souvent le cas, là. Mais tu sais, si le parent commence dès un jeune âge... La sensibiliser, selon moi. Tu sais, on voit ça souvent. J'avais une discussion avec une amie qui me disait, souvent avec les enfants, on va leur dire « Ah, oh, t'es donc bien beau, t'es donc bien belle. » On ne dira pas « Ah, oh, t'es brillante. Ah, oh, tu sais, t'as des bonnes... » T'es autre chose qu'un corps. C'est ça, tu sais, les gens vont directement... Tu sais, c'est automatique, on le fait tout. On va vers beau, belle, tout de suite. Genre, tu sais, dans l'idée d'un enfant, c'est déjà ancré un peu. Ben, c'est tellement ancré en nous-mêmes, point. Ouais, c'est ça. On a tout été élevés comme ça, là, pour les petites filles, on se fait appeler « Oh, tu ressembles à une poupée, t'as l'air d'une catin, t'es belle. » Ben, c'est ça. Ça reste ancré assez jeune puis assez longtemps. Je reviens à l'alimentation. Mais l'alimentation sur les réseaux sociaux, ça aussi, ça met une belle pression sur la diversité. Hein? T'as bien des bons sujets à matin, parce que moi, je m'emporterais sur tout le temps, je te dis tout de suite. Mais je t'avoue, il me semble que tu changes de couleur depuis tantôt, à chaque fois que je te lance un sujet. Je vais sur ma chaise et tout ça. Mais... Oui, avec les hashtags food porn, puis tu sais, ça me fait tellement rire ce hashtag-là. C'est pornographie. Mais on voit sur les médias sociaux la fille mince, tu sais, qui mange, qui est capable de manger avec sa pointe de pizza, puis qui est comme tu sais, elle a l'air cool parce qu'elle a un gilet écrit I love tacos en mangeant sa pointe de pizza, puis elle est mince, elle a le droit, c'est cute. Mais tu vois la même chose avec une femme qui qui est un surplus de poids, ben moi, je ferais ah ça. Ah non, ça passe pas. Ben non, vrai. J'aurais l'air de... C'est ça. C'est vrai. Ouais. Je passerais sur la place publique, puis je promeule l'obésité, puis mon Dieu Seigneur, qu'elle ne doit pas faire le sport alors que je fais de la boxe 3 fois par semaine. Ah oui, t'as probablement plus de cardio que moi. Ben, là, hey, je suis capable de te garrocher une gauche, moi, là, je te dis. Garrocher une gauche. Ah ouais, ouais. Battez-vous pas contre moi. À grandeur que t'as, c'est sûr. Juste à grandeur, c'est sûr, je t'affronte pas. Chez les gars, est-ce que vous le sentez aussi, cette pression-là? De plus en plus, il y a une pression dans la société pour les gars, en effet. Les fameux abdominaux. Oui. Puis, si tu regardes les réseaux sociaux, 95% des gars en ont. Mais dans la réalité, moi, je pense que c'est oui. vraiment ridicule. Et à l'inverse, t'as le... Attends, parce que là, je l'ai débaptisé, ils appellent ça le dad bod. Dad c'est dad. Vraiment le petit ventre de papa qui est à la mode. Ouais. Donc, l'espèce de petit muffin top, je sais pas comment ils appellent ça pour les gars, les poignées d'amour. Okay. Ça a l'air que les filles triplent là-dessus, aiment moins les six-packs. As-tu vu ça passer? Parce que moi, j'ai juste tapé ça, là, puis okay. C'est facile, la mode. Beaucoup aux États-Unis, là, ils ont sorti des photos, par exemple, Leonardo DiCaprio, que là, il est rendu dans la quarantaine, commence à avoir un petit ventre. C'est la mode du petit bedon. Okay. Fait que les gars, faut se laisser aller, quoi. Ben, je pense pas que c'est un laisser-aller. C'est une mode, comme tu dis. Puis, encore une fois, comme les filles, un peu, c'est ciblé. Là. C'est comme une prise de... Tu sais, genre, j'ai un petit peu de gras là et là. Tu sais, un petit peu comme les fesses de Kardashian. Genre, tu sais, oui, j'ai un peu de gras autour des fesses, puis j'ai une bonne poitrine, mais j'ai zéro ventre. Hein, tu sais, c'est un peu comme ça. Tu sais, oui, un gars peut avoir une petite bedaine, mais tu sais, ne m'en dis pas d'avoir un double menton, par contre. Puis... C'est vrai. Puis, mais je pense... C'est peut-être plus dans un milieu gars-femme, là. Gars-femme, c'est ça. Mettons, pour vrai, dans mon milieu, j'ai pas full vu ça. Tu sais, moi, il y a des gars qui sont plus en shape dans le milieu homosexuel, puis plus en shape, je veux dire, plus carré, puis qui ont des rondeurs, puis qui s'assument là-dedans, puis sont bien là-dedans. C'est comme un mouvement que j'ai plus ou moins remarqué, j'avouerais. C'est peut-être aussi parce que j'ai 30 ans et que j'ai pas 20 ans. Mais... Et t'es moins, que tu vas moins stiquer sur les réseaux sociaux aussi. Là. Tu ouais, vas moins ça être aussi. Interpellé ça par ça. Ouais. C'est peut-être aussi comme la nouvelle mode de diversité corporelle qui amène ça, je sais pas. Mm-hmm. Mais je sais pourquoi, moi. Mais j'ai une théorie, j'ai une théorie là-dessus. Parce que les femmes, on se sent... beaucoup plus à l'aise avec notre propre corps quand on est avec un gars qui a des défauts physiquement. Je veux dire, moi, je sortirais... Mettons, je suis mal dans ma peau, je sors avec un gars qui a un six-pack qui s'entraîne 6 fois par semaine. Moi, je me sentirais vraiment diminuée. Je serais, voyons, que, tu sais, je veux dire, il me toucherait le gras. Je serais, voyons, là, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une fille comme moi? Tandis que si je sors avec un gars qui s'en fout un peu, là, tu sais, que... qui est correct avec son corps et tout ça, ben moi, ça me rend moi-même à l'aise avec le mien. Fait que les femmes, c'est sûr que... Beaucoup dans le regard des autres. Ben oui, c'est sûr que... Je pense pour ça que c'est à mode. On aime ça, un gars avec une petite poignée, parce que nous-mêmes, ça nous permet d'être... de nous être imparfaites, dans le fond. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Puis en fait, tu dis les femmes, mais moi, je pense que je suis comme ça aussi. Je pense pas que je serais capable de sortir avec un gars qui est comme parfaitement... parfaitement vu dans la société avec tous les muscles du monde qui existent, qui est ressorti bombé. C'est souvent quand on trouve un gars qui est qui est normal un peu. On va dire, je sais pas, comme pas normal, là, mais qui a... Physiquement acceptable, ouais. Je sais pas mais c'est quoi, vous m'amenez à ma question que je m'étais posée, c'est quoi pour vous normal? Un corps normal, quoi? Ça existe-tu, premièrement? Moi, je pense pas vraiment que ça existe. Tu sais, selon la société, selon moi, c'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un c'est d'avoir un tronc, une taille. Ouais, c'est ça. C'est quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu le regarderas pas parce que ton regard sera pas attiré par lui parce que c'est ça, il se démarquera pas. Fait être normal, c'est de rentrer dans le moule, je pense. Puis, en tout cas, je pense que c'est quelque chose que dans la vie, c'est plate. C'est plate, là, être toujours dans le moule, tu sais, genre de... Fait... Sortez du moule, ben, c'est ça, tu sais. Les gens, souvent, vont comme se rabaisser ou se diminuer justement pour ça, pour être comme tout le monde, puis rentrer dans le moule. Puis c'est très triste, parce que les gens s'empêchent de faire des choses qui seraient sûrement extraordinaires, mais les gens ont peur du jugement. Mais c'est quoi ce moule-là? Puis c'est, oui, c'est vrai. Puis c'est quoi la, moi, je pourrais me dire que j'ai un corps qui est totalement normal, mais tu sais, toi, tu pourrais me dire que mon corps est totalement normal. Je veux dire, c'est tellement une question de perception de chaque individu. Puis c'est ça, quand j'ai souffert beaucoup par rapport dans mon corps à moi, puis quand je me trouvais laide, puis grosse, puis ci, puis ça, c'est parce que mon seuil de normalité était disproportionné, puis totalement, totalement irréel. Fait que je pense que il faut quand même se rappeler que la normalité n'est pas un carré un petit carré dans lequel il faut rentrer. La normalité, quand on s'ouvre les yeux puis le regard, est beaucoup plus grande que ça. Puis, au niveau, on a commencé à aborder un peu les relations amoureuses. Ça fait quoi comme différence quand... Tu sais, toi, tu l'as dit, par exemple, Joël, puis Stéphane aussi, quand avant, vous vous acceptiez moins de l'image que vous aviez, du corps que vous aviez, là, vous l'acceptez. Vous avez l'air à être bien dans votre peau, les deux. Qu'est-ce que ça change dans les relations amoureuses avant, après? Mais souvent, le manque d'estime de soi se transparaît beaucoup. Oui. Je pense que, pour ma part, c'est ça qui devait paraître plus, là, pourquoi mes relations ne fonctionnaient pas. C'était... C'est même pas une question de poids ou une question de qu'est-ce que j'avais l'air. C'est vraiment la question de comment j'agissais. Puis comment, tu sais, dans mon regard, comment j'étais. Tu sais, ça paraissait que j'étais pas bien. Fait que moi, je pense que c'est ça qui transparaissait beaucoup. Puis c'est sûr que mes relations ont été touchées par rapport à ça. Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a pas beaucoup d'estime de soi, puis que tu vois que ce... Qui est comme un peu dans son monde, si on veut. Genre, les gens sont pas attirés par ça. Mais tu sais, quelqu'un qui, mettons, est fier d'elle-même puis qui s'accepte, tout dépend. Peu importe le style de corps qu'elle a, moi, je pense que cette personne-là... Ça attire plus. Oui, ça va attirer. Souvent des personnes qu'on va dire, je sais pas, cette personne-là, c'est pas mon style, mais tabarnouche. Exactement. Elle attire quelque chose. Elle a un petit quelque chose qui fait qu'elle est belle. Puis on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, on ne peut pas le décrire physiquement. Exactement. On ose-tu se mettre tout nu? Allons-y au but. C'est quoi? Hey, c'est toute une question, ça. Mais... Ouais. Non, mais dans le sens que... Ben, allons-y, pour Mélanie. Les auditeurs, quelqu'un qui vient nous pogner le poste, on ose-tu se mettre tout nu? Ça sonne un peu bizarre. On est tout nu ici, c'est quand même. On est dans la vitrine. Écoutez, non, mais c'est vrai, les relations amoureuses, quand on est complexé par notre corps, qu'on ne l'accepte pas, et on ne doit pas se montrer souvent nu. Écoute, j'ai l'air de m'accepter, puis d'avoir la diversité corporelle comme cheval de bataille, puis tout ça. Ça, c'est ma face publique, puis tout ça. Mais dans ma vie privée, moi, j'ai autant de misère qu'un autre que de me mettre tout nu. Je veux dire, j'ai aussi mes démons, ils me traînent, je travaille dessus, j'en suis consciente, mais je suis humaine, là. Je dirais, moi aussi, j'ai des choses que j'aime pas sur mon corps, puis des jours où ce que je sais pas quoi mettre dans mon garde-robe, tout mon linge est par terre parce que je me trouve laide dans tout, puis c'est de même. C'est humain de se trouver, d'avoir des jours comme ça, puis c'est pas vrai que l'estime de soi, c'est quelque chose que tu te lèves le matin, bon matin, le café, puis ah, il fait c'est beau éternel. Dehors, ah oui, puis là, tu gambades jusqu'au travail, puis ah, t'es bien. Non, non, c'est pas ça, l'estime de soi. Travailler chaque jour. Et non, puis tu sais, dernièrement... c'est ça, j'ai eu de la misère, moi aussi, en relation, puis j'en ai encore, tu sais, mettre tout nu, puis mettre son corps dans un certain angle, parce que tu veux, tu le sais que tu parais mieux dans cet angle-là, puis se mettre debout, puis là, tu sais, les seins, est-ce que mes seins sont normaux, puis là, j'ai un petit bourrelet, là, et c'est difficile, se mettre tout nu, là, c'est puis pourtant, t'es mannequin. Ben on oui. On pourrait se dire, mon Dieu. Mais c'est encore plus dur parce que je me sens coupable. Tu sais, t'es mannequin. Sans coupable. Ben oui, mais t'es mannequin, t'es censé être belle. Tu sais, c'est une valorisation de la société. T'es comme un sel de la société, approve, belle. Tu sais, t'es censé te trouver belle. Mais moi, quand je me trouve pas belle. T'es accepté à 100%, ben oui, peu importe. Ben oui, parce que je suis censée être belle. Mais quand je me trouve laide, t'es genre, mais voyons, Joël, mais voyons. T'es bien belle, mais t'es posée avec Véro, mais voyons, tu sais, mais non. T'es posée avec Véro, oui. Ouais. Je ouais, ben, on a plus de voir dans trouvais. Ça, oui. On a plus de voir à côté de Véro, ben oui. Ben oui, ben, je dans sais. Dans collection, oui. C'est quoi le nom de la collection? C'est la collection Courbe par Véro à l'Aubenry, mais d'ailleurs, je porte la robe de ça pour les auditeurs qui nous voient. Ah, non, on prendra des photos, on leur, non, c'est ça. On leur placera. Ben, c'est ça, dans le fond, tu viens de détruire un mythe complètement, puis en même temps, les gens qui ont des préjugés concernant les mannequins, par exemple, que c'est sûr qu'elles se trouvent belles ou c'est sûr que... Jamais, c'est les pires complexés. Ouais. Je vous dis un scoop. En effet. Puis, vous ne vous levez pas non plus avec ce brushing-là, puis les cheveux, tu sais, le brushing et le maquillage, puis l'habillement, puis tout parfait. Vous ne vous levez pas photoshopé, là. Aussi. Non. Oui. Mm-hmm. Mais toi, dans ton cas, tu n'es pas photoshopé la majorité du temps. Non, et puis ça, c'est mon cheval de bataille. Si on fait affaire avec moi, on ne photoshoppe pas ma silhouette. Puis ça, peu importe c'est qui le client dans la vie, peu importe, je serais même prête à refuser un contrat à Vogue Magazine parce qu'ils vont me photoshopper ma silhouette. C'est tout. Tu veux pas, ben non. C'est vraiment là. Non, non, je suis dans la mode pour être activiste, puis ça me dérangerait même pas d'être pas mannequin, c'est juste... que j'en profite parce que j'ai le corps pour, puis qu'il paraît que j'ai une beauté à la mode. Je suis dans le domaine de la mode parce que j'amène mon point puis que je défends mes affaires, mais si c'est s'ils veulent pas m'écouter, ben ils prendront une autre fille, c'est tout. Hey Joël et Stéphane, on arrive à la fin, il reste 2 minutes. J'aimerais ça pour les gens qui veulent te suivre, ben vous suivre parce que toi, Stéphane, comme tu écris aussi, c'est le site joelvaillancourt.com que je vais mettre en lien aussi sur la page Facebook des différents. Et sinon, ben là, toi, tu te lances 5 jours, 13 conférences. Hey, oui. Tu te lances lousse? Ben oui, j'ai été engagée par le comité des conditions féminines de la baie de James. Je m'en vais dans le nord du Québec faire 13 conférences en 5 jours. Où je dormirais pas beaucoup, je pense. Mais c'est pas, dans des cégeps, écoles secondaires, maison des femmes, maison des jeunes. Donc, je vais parler d'estime de soi et je vais connecter avec les gens. Puis en terminant, je vais juste donner un conseil aux femmes, ben pas juste aux femmes, mais aux gens qui m'écoutent. T'as les ondes. Ah oui, les hommes aussi, parce que les hommes. Non, mais t'as les ondes. Ok, merci. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Vous êtes humain, ok. Vous êtes pas des machines. Donc faites preuve de bienveillance envers vous. N'attendez pas d'avoir un corps pour pouvoir faire des choses. Lancez-vous, puis tout va suivre. C'est ça vrai. Fait du bien. Joël, Stéphane, écoutez, vous m'inspirez, puis je vous trouve vraiment le fun. Je vous inviterai à toutes les semaines. Non, mais c'est vrai. Ben, on a du fun, tant mieux. Puis c'est super bon. On parle de sujets comme la diversité corporelle, puis c'est agréable de pouvoir en parler et d'en rire aussi, ouais. de voir nos mauvais travers, ben nos travers tout court, puis de faire ben gars, on s'accepte aujourd'hui, ben gars, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, comme premier à faire aujourd'hui, s'accepter, se regarder tout nu dans le miroir. Ça c'est dur, s'accepter. Juste faites un pas, puis faites. Inscrivez-vous à l'activité que vous refusez de faire à cause de votre corps, comme aller à la natation, faire du jogging. Bonne Faites-le idée. Aujourd'hui. Bon, ben moi, je vais me mettre en camisole aujourd'hui. Merci bon. Beaucoup. C'est tout pour les différents. Si vous avez aimé, commentez. Ne vous gênez pas sur la page Facebook des différents, entre autres. Sur le compte Instagram, je suis aussi sur Instagram. Donc, avec les différents. Et puis, je fais peut-être différent des autres avec mon compte qui est un petit peu moins photoshopé que les autres. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 9h, pour une autre différence. Bye-bye.